Sainte Bible selon Saint Jérôme, livre de l'Exode, chapitre 10. Et le Seigneur dit à Moïse, entre auprès de Pharaon, car c'est moi qui ai endurci son cœur et celui de ses serviteurs, afin que je fasse sur lui ces signes de ma puissance, et que tu racontes aux oreilles de ton fils et de tes neveux combien de fois j'ai brisé les Égyptiens, et j'ai fait mes signes au milieu d'eux, et que vous sachiez que je suis le Seigneur. Moïse et Aaron entrèrent donc auprès de Pharaon et lui dirent « Voici ce que dit le Seigneur, Dieu des Hébreux. Jusqu'à quand ne voudras-tu pas te soumettre à moi? Laisse aller mon peuple afin qu'il me sacrifie. Que si tu résistes encore et si tu ne veux pas le laisser aller, voilà que moi je ferai venir demain des sauterelles dans tes confins, pour qu'elles couvrent la surface de la terre en sorte qu'il n'en paraisse rien. » Mais que ce qui sera resté après la grêle soit mangé, car elles rongeront tous les arbres qui poussent dans les champs, et elles rempliront tes maisons et celles de ton serviteur et de tous les Égyptiens. Ni tes pères, ni tes aïeux n'en ont vu autant depuis qu'ils sont nés sur la terre jusqu'au présent jour. Et il se retira, et il sortit d'avec Pharaon. Mais les serviteurs de Pharaon lui dirent, jusqu'à quand souffrirons-nous ce scandale? Laissez aller ces hommes, afin qu'ils sacrifient au Seigneur leur Dieu. Ne voyez-vous pas que l'Égypte est perdue? Ils rappelèrent donc Moïse et Aaron auprès de Pharaon, qui leur dit, allez, sacrifiez au Seigneur votre Dieu. Qui sont ceux qui doivent y aller? Moïse répondit, nous irons avec nos petits-enfants et nos vieillards, avec nos fils et nos filles, avec nos brebis et notre gros bétail, car c'est une solennité du Seigneur notre Dieu. Et Pharaon répartit, que le Seigneur soit avec vous de la même manière que moi je vous laisserai aller, vous et vos petits-enfants. Qui doute que vous ne formiez de très mauvais desseins? Non, il n'en sera pas ainsi, mais allez, vous autres, hommes seulement, et sacrifiez au Seigneur, car c'est ce que vous-même avez demandé. Et aussitôt ils furent renvoyés de la présence de Pharaon. Mais le Seigneur dit à Moïse, étends ta main sur la terre d'Égypte, vers les sauterelles, afin qu'elle monte sur la terre et qu'elle dévore toute l'herbe qui est restée après la grêle. Et Moïse étendit sa verge sur la terre d'Égypte, et le Seigneur fit venir un vent brûlant, qui souffla tout ce jour-là et toute la nuit. Et le matin venu, le vent brûlant fit lever les sauterelles, qui montèrent sur toute la terre d'Égypte. Et elles s'arrêtèrent dans tous les confins des Égyptiens en nombre infini, tel qu'avant ce temps-là il n'y en avait pas eu. Et jusqu'à l'avenir, il ne doit pas y en avoir. Ainsi, elles couvrèrent la surface entière de la terre, ravageant tout. Toute l'herbe de la terre fut donc dévorée. Et tout ce qui se trouva de fruits sur les arbres, fruits que la grêle avait laissés. De sorte qu'il ne resta absolument rien de vert sur les arbres, ni dans les herbes de la terre, dans toute l'Égypte. C'est pourquoi Pharaon, se hâtant, appela Moïse et Aaron. Et leur dis, j'ai péché contre le Seigneur votre Dieu et contre vous. Mais maintenant pardonnez-moi mon péché encore une fois, et priez le Seigneur votre Dieu, afin qu'il retire de moi cette mort. Moïse donc sortit de la présence de Pharaon, pria le Seigneur, qui fit souffler de l'Occident un vent très violent, qui, ayant enlevé les sauterelles, les jeta dans la mer Rouge. Il n'en demeura pas même une seule dans tous les confins de l'Égypte. Mais le Seigneur endurcit le cœur de Pharaon, et il ne laissa pas aller les enfants d'Israël. Alors le Seigneur dit à Moïse, étends ta main vers le ciel, et qu'il y ait sur la terre d'Égypte des ténèbres si épaisses qu'on puisse les toucher. Et Moïse étendit sa main vers le ciel, et il se forma des ténèbres horribles sur l'Égypte entière pendant 3 jours. Personne ne vit son frère, ni ne remua du lieu où il était. Mais la lumière était partout où habitaient les enfants d'Israël. Alors Pharaon appela Moïse et Aaron, et leur dit, allez, sacrifiez au Seigneur. Que vos brebis seulement et votre gros bétail demeurent, et que vos petits-enfants aillent avec vous. Moïse répondit, tu nous donneras aussi des hosties et des holocaustes que nous puissions offrir au Seigneur notre Dieu. Tous nos troupeaux iront avec nous, et il ne demeurera pas une corne de leurs pieds. C'est nécessaire pour le culte du Seigneur notre Dieu. d'autant plus que nous ignorons ce qui doit être immolé, jusqu'à ce que nous parvenions au lieu même. Mais le Seigneur endurcit le cœur de Pharaon, et il ne voulut pas les laisser aller. Et Pharaon dit à Moïse, « Retire-toi de moi, et garde-toi de voir désormais ma face, car en quelque jour que ce soit que tu paraisses devant moi, tu mourras. » Moïse répondit, « Il sera fait ainsi que tu l'as dit, je ne verrai plus ta face. » Enregistrement de la Sainte Bible selon la Vulgate, dans la traduction de l'abbé Glaire, pour le site jesusmarie.com, afin d'en assurer une diffusion gratuite. Fichier placé sous licence Creative Commons le 30 novembre 2010. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous.